Ayda Kerman, ramener ça me tient à Kerman. Je traîne avec les mêmes galériens, dealer, arnaqueur et hacker, man. Brume dans les poumons, je retiens mon souffle. J'suis dans la queue, j'suis du game, gros à l'aise, j'suis sorti les pantoufles. Ça fait trop longtemps que les darons souffrent. Valise remplie de beuh et de billets dans la soute. Vroom vroom, j'tiens le volant, j'prends la route. J'connais déjà les shoots, comme un joueur de foot. J'connais déjà les flashs, j'en ai rien à foutre. On est plein dans la troupe, j'crache pas dans la soupe. J'entends le ciel qui gronde, j'connais déjà la poudre. J'suis avec ta folle, elle avait dans la fouf. Les zen dans la poudre, la bouche pleine de foutre. Si elle donne son boule pour un bullshit, j'te fais pas la ceinture Gucci. J'ai soufflé, allumé plein de bougies. J'fais plus que des baleines bougies. Taxe, c'est ce fait le rougie. J'bombardie le moteur qui rugit. Il me faut les diamants, les rubis. J'suis armé comme un érudit. J'fais du cash même quand je roupie. Haine dans les pupilles, cerveau en toupie. Humeur en looping, j'attire les groupies. Fuck. Devant Dieu, je m'accroupis. Avant de croupir, cherche pas le best, c'est moi. Numéro 9 comme Benzema. J'fais un petit tour dans la Benz. Cherche pas à me faire de nouveaux friends. J'rappe pour les racks et les Benz. Yeah. La vraie vie c'est pas les réseaux. J'suis dans le sky high dans mon vaisseau. Elle veut que je la déso, elle veut les Bezos. Moi j'veux les Bezos à Jeff Bezos. J'ai pas envie de jouer un rôle, non. J'ai pas envie de jouer un rôle, non. J'ai pas envie de jouer un rôle. C'est le même que chef de l'épaule. Sex, drogue, money, rap. Quand la vie n'est pas très rock'n'roll. J'étais dans la merde, j'ai nagé le crawl. Parfois la vie n'est pas très drôle. Donc j'fais chaque jour comme le dernier. Chaque nuit la mort nous frôle. Quoi qu'il arrive, j'garde le contrôle. Plat du pied devant le goal. J'suis un peu perdu entre bien et mal, entre vice et vertu. Quand je galère, j'fume, j'allume la verdure. J'ai besoin d'air pur, j'éteins l'amertume. Je ne pense qu'à argent, salaire, thune. J'ai déjà beaucoup trop niqué ma santé. Je me suis beaucoup laissé tenter. Aujourd'hui plus rien me fait bander. Je sais même pas où je vais, j'avance les yeux bandés. Je sais même pas ce que je fais là, j'ai rien demandé. Que d'insomnie, j'ai le sommeil hanté. J'ai l'esprit et le cœur ensanglanté. Brume dans les poumons, je retiens mon souffle. Je suis dans la queue, je n'ai du game. Trop à l'aise, je sortis les pantoufles. Ça fait trop longtemps que les parents souffrent. Le monde part en couille, j'ai des tas de rancunes. J'ai la tête qui chauffe, je peux pas laisser cuire. Je vois bien que les aiguilles sur le cadre en tourne. Je te retournais en rond dans les alentours. Je grillais des stops et des feux rouges. Tard le soir quand je traînais avec les yeux rouges. Toujours sur la bonne voie, y'a rien qui me déroute. Tu m'excites avant de cracher puis tu me dégoûtes. J'ai le seum, ça mérite, j'ai le seum, ça mérite. Des jaloux voudraient m'enlever tout ce que je mérite. Ils veulent pas que j'avance des bâtons dans les roues. Ils veulent pas que je décolle des bâtons dans les hélices. J'ai capté l'humain, ses faiblesses et ses vices. Je m'écarte des nuages avant que le ciel s'évise. Avant on cherchait, aujourd'hui on s'évite. Avant on cherchait, aujourd'hui c'est froid. Entre toi et moi, un peu comme le blizzard. C'est un après leur face bizarre. Masque au sol, j'ai vu leur vrai visage. J'avance toujours tout droit sans virage. J'suis toujours aussi loin du rivage. Bonheur en mirage, pas de miracle. Les keufs tu à coups de clé UFC. J'rage comme un animal, j'ai coronaviral dans toutes les clés USB. J'fais mes yens euro USD. Puis j'fais un petit tour dans la Benz. Cherche pas à me faire nouveaux friends. J'rappe pour les racks et les Benz. La vraie vie c'est pas les réseaux. J'suis dans le sky high dans mon vaisseau. Elle veut que je la déso, elle veut les Bezos. Moi j'veux les Bezos à Jeff Bezos. J'ai pas envie de jouer un rôle, non. J'ai pas envie de jouer un rôle, non. J'ai pas envie de jouer un rôle. C'est les mêmes que j'chiffre de l'épaule. Sex, drogue, money, rap. Quand la vie n'est pas très rock'n'roll. J'étais dans la merde, j'ai nagé le crawl. Parfois la vie n'est pas très drôle. Donc j'vis chaque jour comme le dernier. Chaque nuit la mort nous frôle. Quoi qu'il arrive, j'garde le contrôle. J'mets plat du plaid devant le goal.